sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait crisée, sans volonté, sous ses baisers. Vous écoutez Réunion Première, il est tout pile 10h, le journal France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Un brassard noir sur des blouses blanches. Les infirmiers sont appelés à faire grève après le suicide de 5 d'entre eux cet été. Leurs conditions de travail sont devenues insupportables. Pas question de revenir sur le mariage pour tous. Alors que le débat réapparaît dans la campagne présidentielle, une majorité de Français souhaite conserver cette loi, selon un sondage IFOP pour France Info. Un but après seulement 42 secondes de jeu. Et puis plus rien. Le PSG a fait match nul un partout contre Arsenal en Ligue des Champions. France Info. Et d'abord donc cette grève dans les hôpitaux. À l'appel de la Coordination Nationale Infirmière, qui est l'un des principaux syndicats de la profession, elle lance l'alerte après le suicide de 5 infirmiers cet été. Les cadences sont devenues insoutenables, la pression aussi, il faut faire toujours plus avec moins de moyens. C'est ce que raconte cette infirmière alsacienne rencontrée par Guillaume Schum. Claire travaille dans un bloc opératoire d'un hôpital public du Haut-Rhin depuis 16 ans maintenant. Depuis plusieurs années, elle l'a constaté. À chaque opération, le temps est compté. Il faut vite libérer les salles pour faire passer le maximum de patients. Les gestes doivent être plus rapides. Pourtant, pour elle, selon les cas, les opérations doivent durer plus longtemps pour une meilleure prise en charge. Il y a toujours des imprévus, ne serait-ce qu'au niveau de l'anesthésie, au niveau de l'intervention. Souvent, on nous dit l'intervention doit durer une heure. Si elle dépasse d'une demi-heure, on n'est plus dans les clous. Donc ça va pas, on n'est plus efficace, on n'est pas rentable. Le mot rentabilité, c'est ce qui fait bondir Claire, elle qui est infirmière depuis 18 ans, qui rêvait toujours d'être présente auprès des patients pour les soigner dans les meilleures conditions possibles. Elle sent que son métier lui échappe et ses rêves aussi. Parfois on se dit on opère un tibia, on opère un fémur, mais derrière ce tibia, ce fémur, il y a un patient et on n'a plus le temps de le prendre en charge entièrement et on se sent frustré. Quelque part on est infirmière et on a envie de prendre en charge le patient dans sa globalité. Ce que souhaite Claire, c'est que les pouvoirs publics prennent conscience de ce malaise à l'hôpital dû au manque d'effectifs et de surcharge de travail qui pénalise l'accueil des patients. Guillaume Schum, France Bleu Alsace pour France Info. Un appel à la grève aussi chez EDF. Les 4 syndicats représentatifs de l'électricien se mobilisent contre la fermeture annoncée de la centrale nucléaire de Fessenheim, dont les réacteurs sont les plus vieux de France. Ils dénoncent un gâchis et une aberration sociale et climatique. Alstom et l'État se donnent 10 jours pour tenter de sauver l'usine de Belfort. Aucune décision ne sera prise avant la fin des discussions entamées par le gouvernement. François Hollande suit personnellement ce dossier. Il veut éviter un naufrage industriel comme pour les hauts fourneaux de Florange. Le chef de l'État annonce d'ailleurs qu'il va se rendre dans les prochaines semaines à Florange. Un déplacement risqué mais assumé, Yael Gauze. François Hollande est-il un kamikaze de la politique? Comment peut-il revenir sur les lieux de la trahison, comme le dit Arnaud Montebourg? Là où Force Ouvrière a érigé une stèle, ici reposent les promesses de changement. Au contraire, la stratégie est parfaitement assumée. Affronter les vents contraires. Ce n'est plus possible de se laisser traîner comme ça dans la boue, lâche l'un de ses amis. Il faut répondre, profiter de la séquence avec Alstom pour corriger ce qui ne serait qu'un malentendu sur Florange. Pas de plan social, tout le monde reclassé et bientôt un centre de recherche recherche à Uckange, il ne sera pas dit que le président a laissé tomber les ouvriers. L'Elysée cherche à démontrer l'inverse. PSA, STX et ses paquebots, DCNS et ses sous-marins, qui auraient parié sur l'explosion des carnets de commandes ? L'État est encore là. D'où le bras de fer entretenu avec Alstom, son PDG traité en coulisses de cynique, pour tordre le cou à l'idée que François Hollande laisserait faire au moment où toute la classe politique prône pour 2017 la défense du Made in France. 15% des vols devraient être annulés demain dans les aéroports de Roissy et d'Orly, conséquence de la nouvelle journée de grève contre la loi travail. Pas de perturbation du côté de la RATP qui prévoit un trafic normal. La SNCF n'a pas encore communiqué. Patouche, au mariage pour tous. Une majorité de Français souhaite garder cette réforme alors que le sujet revient en débat dans la campagne présidentielle. C'est le résultat d'un sondage IFOP que France Info vous dévoile ce matin en partenariat avec le journal Le Monde. Mathieu Mondoloni. Les Français plus ouverts d'esprit que les politiques et notamment à droite. Les électeurs, les Républicains, sont en effet 53% à souhaiter le maintien de la loi Taubira. Ce sondage va ainsi à l'encontre des déclarations des candidats à la primaire. Ils sont plusieurs à vouloir abroger ou modifier le texte sur le mariage pour tous. François Fillon, Alain Juppé ou évidemment Hervé Mariton qui avait été l'un des fers de lance de la manif pour tous. Nicolas Sarkozy, lui, est en accord avec son électorat. Il a revu sa position à ce sujet et est désormais favorable au maintien de la loi Taubira. Un maintien voulu au niveau national par 65% des sondés, quelle que soit leur couleur politique. Ils sont même 59% à souhaiter l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et près de deux tiers à vouloir les mêmes droits pour les enfants nés par GPA que pour les autres. Pour l'association des familles homoparentales qui a commandé ce sondage, il démontre la caducité des thématiques portées par la manif pour tous, des thématiques pourtant reprises encore aujourd'hui par certains candidats. Et vous pourrez retrouver cette enquête dans le journal Le Monde. Il y a un dossier spécial dans le numéro qui sortira cet après-midi. Et on en parle d'ailleurs tout de suite à 8h10 pour le décrypter et le décrire un peu ce sondage, Mathilde. Les orages d'hier dans le sud-ouest n'ont pas fait de gros dégâts à part des coupures d'électricité. 120 000 foyers étaient privés de courant hier soir du Pays Basque aux Charentes. Il est 8h05 sur France Info. Shimon Peres est à l'hôpital. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix a fait un accident vasculaire cérébral. Il a été admis en urgence en soins intensifs. Il est dans le coma et sous respirateur artificiel. Shimon Peres a 93 ans. Hillary Clinton reprendra sa campagne demain après 4 jours de repos en raison de sa pneumonie. Hier soir, c'est le président lui-même, Barack Obama, qui l'a remplacé lors d'un meeting à Philadelphie. La chute du président égyptien Mohamed Morsi, porté au cinéma. Le film Clash, qui sort aujourd'hui en salle, nous plonge dans les violences de l'été 2013. Un huis clos suffocant dans un fourgon de police. Yann Bertrand. Au Caire, l'été 2013 est une fournaise où se mêlent politique et religion. Dans les rues, partisans des frères musulmans et supporters des militaires s'affrontent sans relâche. La caméra de Mohamed Diab suit plusieurs personnages des deux camps arrêtés et parqués dans un fourgon de police étouffant. La mort tout autour, beaucoup plus que les disputes et les violences. Le réalisateur voulait capter cette humanité qui s'installe petit à petit, cette entraide et cette coexistence que l'on découvre. Mohamed Diab. Selon moi, le film aurait été le même s'il se passait en Turquie, aux États-Unis, en plein duel Trump-Clinton. En clair, partout dans le monde où il y a des divisions. J'ai vraiment fait ce film en gardant en tête l'unité qui était la nôtre pendant les 18 jours de la première révolution en 2011, quand nous voulions tous que ce pays aille de l'avant. Après sa projection à Cannes en ouverture de la sélection, un certain regard en mai dernier et le soutien d'un certain Tom Hanks, Clash est finalement sorti en Égypte malgré les pressions. En montrant ce qui se passe actuellement ou en le disant haut et fort, on se fâche avec tout le monde, car chacun défend son point de vue à 100%. Énorme succès en Égypte pour ce huis clos qui éclaire bien plus que beaucoup de reportages, mais qui vaut des menaces à ses acteurs. 4 d'entre eux ont déjà dû quitter le pays. Clash de Mohamed Diab en salle aujourd'hui et en partenariat avec France Info. Allez, les joueurs du PSG ont quitté la pelouse du Parc des Princes sous les sifflets hier soir. Paris a raté son entame de Ligue des Champions. Match nul, un but partout contre Arsenal. Et les Parisiens peuvent s'en mordre les doigts. Edinson Cavani a gâché de nombreuses occasions. Xavier Monferrand. Il faut croire qu'il avait des choses à se faire pardonner, Edinson Cavani. Certes, l'Uruguayen a ouvert le score pour le PSG après une quarantaine de secondes, mais il a aussi ouvert la saison des vendanges. Alors l'attaquant parisien assume les occasions ratées et fait face, en français, une première depuis son arrivée à Paris il y a 3 ans. Après le match nul, c'est normal que tu regardes les autres occasions que tu peux faire la différence et tu ne fais pas la différence. Alors, C'est normal que tu penses à les buts que j'ai pas marqués. Zlatan Ibrahimovic parti, Edinson Cavani peut enfin évoluer à ce poste d'avant-centre qu'il réclamait depuis si longtemps, avec la bénédiction de son président Nasser El Khelaifi, pas inquiet du manque d'efficacité de son protégé. J'ai beaucoup confiance d'Oedi, parce que lui, il est grand attaquant, un des meilleurs attaquants du monde. Le vaut marqué, vous inquiète pas. Et Edinson Cavani s'est trouvé un autre avocat de renom, Arsène Wenger, le manager français d'Arsenal, qui a salué sa prestation sans ironie aucune. Pourtant, les Londoniens peuvent lui dire merci. Et ce soir, entrée en lice des deux autres clubs français, Monaco défie Tottenham à Wembley, Lyon reçoit le Dynamo Zagreb. Mathilde Munoz sur France Info, merci beaucoup. À tout à l'heure, 8h30. Bonjour à tous. Réunion première est en direct ce matin depuis la place du marché forain de Saint-André. Et c'est ici que débute le CRC Tour, donc à l'occasion des 40 ans des caisses de retraite complémentaires. Un bus va sillonner les routes de notre île pour venir à votre rencontre. L'objectif est de promouvoir, valoriser et soutenir surtout des associations qui œuvrent pour vous au quotidien. Et certaines de ces associations seront à nos micros dans moins de 5 minutes sur la première. Mais tout d'abord, un coup d'œil vers le ciel. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Alors on commence bien évidemment donc notre météo par le temps qu'il fait en ce moment sur la commune de Saint-André. Il y a du vent, il fait gris, pas de pluie, c'est le principal donc pour cet événement ici depuis Saint-André. Alors les prévisionnistes de Météo France ont prévu du beau temps pour aujourd'hui, pour des coins comme le cirque de Mafate, les plages de l'Ouest. Mais d'ici quelques heures, nous verrons apparaître des nuages à mi-pente dans le courant de cet après-midi. Il fera gris dans l'intérieur, des averses qui seraient attendues sur les régions de la plaine des Palmistes, dans le cirque de Salazie et sur le haut du nord et du nord-ouest, et puis le littoral conservera, lui, de belles éclaircies. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Est-ce que vous faites partie d'une association de malades? Souhaitez-vous en savoir plus sur les associations de prévention? Vous composez le 02 62 99 2000. On est ensemble jusqu'à midi moins le quart sur la première. Si vous êtes un aidant familial, on aimerait aussi vous entendre en direct sur la première. Si vous êtes suffisamment bien informé et quels sont vos besoins? Alors depuis notre studio aménagé ici sur la place du marché de Saint-André, nous recevons Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Schott de France AVC Réunion, mais également, donc, il porte la casquette de France Alzheimer Réunion, et Guillaume Kishinama de l'association Un Autre Regard, et puis Tatiana Techer de Réunion Épileptique. Et puis à Saint-Denis, donc, pour vous accueillir au standard de la première, c'est notre Mathias au 02 62 99 2000. Et puis n'hésitez pas à réagir aussi par SMS au 06 92 70 2000. Chloé se fera un plaisir de les lire, donc, en direct sur la première. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les Réunionnais sont-ils bien au courant aujourd'hui de l'existence de ces associations de prévention, des associations que vous représentez, par exemple, Tatiana Techer? Vous êtes de Réunion Épileptique. Voilà, exactement. Je suis donc la présidente de l'association. Et oui, donc les gens ne sont pas assez informés sur mon association. Donc grâce à cette journée aujourd'hui, on va plus faire savoir à quoi sert l'association et quels sont les objectifs et à quoi elle sert exactement. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Mais on n'entendait pas du tout. Parler de cette association. Pour quelles raisons? En fait, les raisons qui m'ont, comment dire ça, m'ont pas aidé trop, c'est par rapport, déjà, je suis toute seule, pratiquement. Il n'y a pas beaucoup d'adhérents. C'est le problème. Là, vous mettez le doigt déjà sur un problème. Donc, toute seule, pas beaucoup d'adhérents. Je gère tout, toute seule. Et avec ma vie de famille, mes soucis de santé également. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est pour pouvoir mobiliser les gens, qu'il y a plus de gens dans l'association, comme ça je trouve que des personnes en fait qui m'aident à monter des projets et à faire parler de cette maladie qui est très mal vue par la population de La Réunion. Le but d'être, aujourd'hui, être présent ici, c'est très important pour vous? Oui, très important. Ouais, parce qu'il faut se faire connaître. Voilà, exactement. Daphné Schott, vous avez 2 casquettes aujourd'hui. Merci, merci d'être sur Réunion Première. Alors, on vous connaît parce que vous êtes aussi de France AVC Réunion, donc on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et puis, vous faites aussi partie de France Alzheimer Réunion. C'est ça, oui. Voilà. Donc, les deux associations, donc, par rapport à Réunion épileptique, c'est vrai que vous êtes un petit peu plus mise en avant, j'ai l'impression. Alors oui, pour France Alzheimer Réunion, qui est présente sur le terrain depuis près d'une vingtaine d'années, qui du coup est destinée aux familles des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Et puis France AVC Réunion, donc, qui là propose des actions pour les patients qui ont fait un AVC et leurs familles, de la prévention jusqu'à l'accompagnement après l'AVC. Guillaume Kishnama, un autre regard. Bonjour Guillaume Kishnama. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Dis donc, bientôt 10 ans pour votre association, un autre regard. Bientôt 10 ans, oui. L'association a été créée en 2008. Dans 2 ans, nous fêtons nos 10 ans. Et puis pour nous, c'est une fierté de fêter les 40 ans de CRC. Et que ça peut nous porter bonheur, on ira aussi 40 ans bien au-delà. Alors, votre public, c'est tout ce public vulnérable, hein, c'est ça? Alors, en fait, la socio-esthétique, ce sont des professionnels de esthétique du bien-être qui vont mettre leur savoir-faire et leur savoir-être au profit des personnes vulnérables. Tout à l'heure, avec mes collègues de table, là, on parlait des personnes isolées, AVC, Alzheimer, et c'est vrai. Quand on apporte des soins esthétiques adaptés, il faut aussi un savoir-faire, aussi une compétence pour aussi accompagner la personne dans son mal-être, tout en adoptant aussi des soins esthétiques adaptés, en tenant compte de la fragilité de la personne, son milieu social et son comportement. Donc un autre regard, c'est une association qui est composée de ces professionnels de la socio-esthétique pour accompagner ces personnes vulnérables de la maladie, le handicap, le rejet social. Et vous allez aussi dans des prisons, par exemple. Et en milieu carcéral, effectivement aussi, en fait, ce sont des professionnels de l'esthétique qui vont... C'est l'extérieur qui arrive à l'intérieur. C'est un peu pour briser un petit peu, on va dire, entre guillemets, les murs. Ce sont des personnes enfermées qui n'ont plus contact du tout avec le public extérieur. Donc, un autre regard est là pour leur dire, nous ramenons de l'extérieur vers vous. Emmanuel Mussard de France Parkinson Réunion, bonjour, merci d'être avec nous ce matin donc pour cette émission spéciale. France Parkinson, donc ça fait combien de temps que vous existez déjà là? Alors au niveau sur l'île de la Réunion, on existe depuis 2010. C'est un petit comité et nous espérons justement à travers ce CRC Tour faire connaître la maladie petit au grand public. Petit comité mais qui grandit aussi. Petit comité qui grandit, tout à fait. Nous sommes passés de 10 adhérents et nous sommes à 200 maintenant. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire de la communication, de ne pas désespérer, Tatiana. Parce que Tatiana, elle sourit parce qu'elle est toute seule dans son coin. Voilà, c'est un peu la galère ça aussi, il faut le dire. Oui, c'est la galère de toutes les associations malheureusement. On est en manque de bénévoles et on a beaucoup de malades de plus en plus. Donc c'est un constat. Et donc, on profite donc du CRC Tour pour faire connaître la maladie au grand public. Jean-Marc Maillot, merci d'être là aussi. Vous êtes du comité régional du sport adapté. Vous êtes un militant associatif. Ça fait des années donc, que vous militez, que vous combattez auprès du public qui sont porteurs de handicap. Et depuis des années, vous avez vu un petit peu la société évoluer ou pas? Les mentalités ont quelque peu changé? La société, depuis ces années de combat? Oui, le combat est continu, il est permanent. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais parce que il y aura toujours donc des actions à mener, des informations, de la sensibilisation. Et on parle donc de santé, donc le sport santé, donc le sport pour les personnes handicapées. Bien souvent, donc ces personnes aussi, elles ont de gros soucis donc de santé, diabète et compagnie. Donc là-dessus, donc nous devons mettre en place tout un système de prévention, des actions sociales, et avec les CRSC, donc nous mettons en place ce genre d'activité. Et c'est ce qui est important. Mais le combat, il est permanent parce que encore une fois, donc aujourd'hui encore, ça défraie les journaux, puisqu'il y a au niveau de l'accessibilité des personnes, au niveau du transport, au niveau du logement, c'est un combat permanent. Il faut continuer le combat. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais heureusement qu'il y a plusieurs associations qui militent pour ça. Monsieur qui emmène un aspect de bien-être, ça c'est plus qu'important. C'est important. Hein. Ouais. Tout à fait, c'est très très important. Et surtout, si nos gamins, nos athlètes au niveau du sport adapté ou de spécial olympique peuvent avoir cet élément-là, c'est quand même quelque chose de très beau. Nous sommes ici donc depuis la place du marché à Saint-André. Le standard de la première est à votre disposition. Vous composez le 02 62 99 2000. Dites-nous s'il vous plaît si vous faites partie d'une association de malades, si vous avez besoin d'informations. Il y a du monde autour de moi donc aujourd'hui. Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Chiotte de France AVC Réunion mais également de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnama de l'association À Notre Regard et Tatiana Teixeira

CRC Tours, 40 ans avec le groupe CRC. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les invités, les experts de Réunion Première pour cette émission spéciale depuis la place du marché à Saint-André. Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Schott de France AVC Réunion, mais également de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishinama de l'association Un Autre Regard et Tassiana Techer de Réunion Épileptique. Tassiana Techer, comment donc s'est créée cette association? Parce que vous, je crois que vous êtes vous-même, vous avez été touchée par en fait une crise d'épilepsie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais épileptique depuis l'âge de 22 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 36. L'épilepsie donc chez moi a eu des effets, comment dire ça? Ça s'est évolué au fil du temps. Et donc je me suis traitée de tous les noms. Je me suis fait traiter de folle dans tous les différents travaux que j'ai effectués, dans toutes les entreprises du moins. J'ai dû informer toutes les entreprises quand je devais avoir un entretien pour un embauche, de leur prévenir que j'étais épileptique. Que vous êtes épileptique, c'est voilà. Ça. Voilà, ouais. Obligé, parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment. On peut avoir n'importe quelle chose dans les mains que c'est dangereux. Et on peut tomber, convulser justement, on peut mourir avec, hein. On peut mourir. Donc les épileptiques, on est obligé d'être surveillé. Si on a fait une crise, c'est 5 minutes. Passé 5 minutes, on appelle les urgences. Daphné Schott, vous êtes aussi neuropsychologue. Vous pouvez nous éclairer un instant sur la crise d'épilepsie, s'il vous plaît? Oui, en fait, vraiment très schématiquement, les spécialistes vont m'assassiner dans la manière dont je vais le dire, mais pour comprendre, en gros, c'est une activité en fait électrique dans le cerveau qui va à un moment donné prendre possession du cerveau et qui va prendre les commandes, d'où l'incapacité, même à rester debout parfois, à tenir quelque chose. Mais elle peut aussi être très spectaculaire, mais aussi passer assez inaperçue avec simplement un petit mouvement oculaire qui va se faire. Elle peut être présente chez les enfants, chez les bébés, chez les nouveau-nés, chez les personnes âgées. Enfin, elle touche à tout âge. Ça touche vraiment? Oui, à tout âge. Oui. Jeune, et elle peut être associée aussi. Jeune, moins jeune. Elle peut être associée à des pathologies comme l'AVC, comme le traumatisme crânien. Et voilà, elle peut avoir des incidences quand elle n'est pas prise en charge, qui peuvent être en effet catastrophiques, mais aussi complètement passées à l'as. Ça se soigne ou pas? Oui, bien sûr, ça se soigne. Je pense que Tatiana en est un des exemples. Pas toujours et pas tout le temps. Voilà. Pas pour toutes les personnes. Le traitement est assez... C'est vraiment du cas par cas, par contre. C'est de la petite cuisine, oui, au cas par cas, exactement, avec des ajustements de traitement. Mais je vois que Tatiana peut largement en parler. Alors moi, en fait, donc, ça fait 3 ans. 3 ans, en fait, que je me suis opérée grâce à un neurologue de Saint-Pierre. Ça s'opère aussi? Pas tous. Pas tous les épileptiques. D'accord. Il y a certains, c'est opérable, il y en a d'autres, non. Donc j'en ai déjà rencontré dans l'association. Et elle dit, comme disait donc Daphné. Ça touche également les enfants. J'ai déjà vu des parents qui viennent me voir, les enfants de 3 ans. Là, j'en ai eu une aussi tout à l'heure, là, 4 ans. Où ça commence, en fait. Elle convulse, elle, 4 ans. Et donc à l'âge donc de 33 ans, mon médecin m'a dit la seule solution, ça serait pour arrêter les crises, ça serait de passer par l'opération. Et je vous avoue que j'ai réfléchi 10 ans, hein. 10 ans avant 10 de faire ans, ça. Voilà. Oui, parce que c'était au niveau du cerveau, très mal placé. C'était placé donc au niveau sur le nerf optique. Et donc j'aurais pu perdre ma vue. Donc je suis allée en métropole, à Sainte-Anne, dans Paris 14e. L'opération a duré une journée alors qu'elle devait durer 8 heures. Il y a eu des complications apparemment, où à l'intérieur de l'opération, j'ai fait une crise. Et donc j'ai été hospitalisée 2 mois en métropole. Et quand je suis revenue, donc toujours sous traitement jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ça il ne faut pas arrêter. Quand je suis revenue, donc, aujourd'hui ça fait 3 ans que les crises se sont arrêtées complètement. Voilà. Mais je reste sous un traitement, le traitement à vie. Le traitement est à vie. Donc, oui. Si vous souhaitez en savoir plus, s'il vous plaît, évidemment, parce qu'on est là pour répondre à toutes les questions, à la fois sur la crise d'épilepsie, sur la maladie de Parkinson, Alzheimer, sur l'AVC aussi, et puis sur le handicap. Et puis, on parlera aussi un petit peu des soins de bien-être pour les personnes, le public vulnérable. Allez-y, composez le 02 62 99 2000. Jean-Marc Maillot, il y a des légendes qui circulent, c'est vrai, sur l'épilepsie, sur la crise d'épilepsie. Oui. Concernant l'épilepsie, nous aussi, on a le problème par rapport à la prise en charge au niveau technique en matière de sport, parce que l'adaptation, elle va devoir se mettre en place pour que la personne épileptique puisse être accompagnée et avoir une prise en charge. Par exemple, au niveau de l'eau, qui est un élément majeur pour notre public déficient intellectuel et porteur donc de multi-handicap, eh ben, il nous faudra faire très attention par rapport au choc au niveau du changement entre le froid et le chaud au niveau du soleil. Donc ça, c'est quelque chose de très important, alors que c'est un élément, l'eau est un élément par rapport à notre prise en charge au niveau des déficits intellectuels, est quelque chose de formidable et permet de faire évoluer. Mais il faut faire très attention par rapport à l'épilepsie. Nous, dans au niveau de nos athlètes, nous avons quand même pas mal de jeunes qui sont épileptiques. Mais cette association, elle est nouvelle pour nous, donc on en a parlé parce que moi-même, j'ai été confronté. Ma sœur, qui est polyhandicapée, a eu donc des crises d'épilepsie. Elle continue à avoir une médication donc précise là-dessus. Et là, je prends casquette. Du traitement à vie, hein. Aidant familial, donc elle a un traitement à vie. Hein, donc je dois l'accompagner, je dois lui donner toute sa médication pour qu'elle puisse continuer donc à vivre comme les autres et avec les autres. Je reviens un instant sur ces légendes, ces histoires que l'on raconte sur les gens qui font des crises d'épilepsie. Ben oui. Qu'est-ce qu'on raconte? Ils racontent tout. La tête l'a pas bon, une affaire l'a mal fait, la baise un coup de bois, n'importe affaire, toutes affaires que les liées au niveau des croyances. Et c'est ça, c'est quand même un gros souci pour changer ses croyances. Et je peux vous en parler donc. Je peux vous en parler bien personnellement par rapport à ma sœur. Et si vous revenez dans le temps, docteur Callen, que c'était un éminent spécialiste. Le docteur de Saint-Denis, oui. Oui, ouais. Ça remonte, hein, je peux vous dire. Mais, c'était aussi médecin légiste. Les premières crises que ma sœur a fait, c'était un scandale. Mais les gens, la façon d'approcher cette chose, cette maladie, c'était fou. Et ça, moi, personnellement, ça me révoltait, parce que ma sœur n'était pas folle. Elle était atteinte de cette épilepsie, et plus des différents autres troubles. Mais c'est énorme. Comment vous expliquez cette méconnaissance de la maladie, Daphné Schott? Alors déjà, on est dans une culture où on est porté par beaucoup de croyances religieuses, spirituelles, voire autres. Et ensuite, de manière générale, je pense que c'est vraiment une question de communication, mais qui est transversale à toutes nos associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maladie reste quelque chose de tabou, quelque chose dont on a honte même parfois, quand c'est visible, que c'est spectaculaire encore plus. Et donc du coup, on n'arrive pas à en parler, on n'arrive pas à lever les tabous, et donc ça crée forcément une méconnaissance sur le terrain. Et en plus, par rapport à l'épilepsie, je vois chez les enfants, il y a beaucoup de difficultés à être scolarisé normalement parce que on a peur, on pense que en étant professeur, enseignant, peu importe, on prend des risques à accepter à accueillir un enfant épileptique parce qu'on s'imagine qu'il va faire une crise d'épilepsie toutes les 5 minutes et que toutes les 5 minutes, il va tomber, qu'il n'a pas le droit de courir, qu'il n'a pas le droit de marcher, qu'il n'a pas le droit d'être debout. Et donc, du coup, tout ça va créer beaucoup, beaucoup d'isolement. Voilà. Ça aussi, l'isolement, je pense que c'est un peu transversal à toutes nos associations et à toutes les pathologies dont on parle aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à joindre le standard de Réunion Première au 02 62 99 2000. Nous sommes ensemble jusqu'à midi moins le quart pour cette émission spéciale à l'occasion évidemment donc des 40 ans des caisses de retraite complémentaires. Allez, on va se retrouver dans 3-4 minutes sur la Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Des baisers volés rouges pommes, des regards où le temps s'arrête. Tant qu'il y aura des beaux parleurs et des fleurs pour les pardonner, il y aura dans les hauts parleurs une femme pour fredonner. apprend à l'abri sous mes collants, que tous mes matins verront se décoller tes yeux d'enfant. Pour le pire et pour le meilleur, tant que tu me souriras, je serai dans les haut-parleurs cette femme qui fredonnera. Bonne nouvelle, papa, papa, papa, la vie est belle. Papa, papa, papa, papa. Bonne nouvelle, papa, papa, papa, la vie est belle. Midi, les experts avec Claude Montané. Souhaitez-vous en savoir plus sur les associations de prévention? Est-ce que vous êtes un aidant familial? Êtes-vous suffisamment informé du rôle de chaque association? Et si vous faites partie d'une association de malades, on est là pour en parler sur Réunion Première. Vous composez le 02 62 99 2000. Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du Comité Régional de Sport Adapté, Daphné Schott de France AVC Réunion et de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnama de l'association À Notre Regard et puis Tessiana Techer de Réunion Épileptique. Oui, alors Emmanuel Mussard, aujourd'hui, on connaît un peu mieux la maladie de Parkinson. Alors, c'est toujours une maladie méconnue, puisque le comité, justement, se bat au quotidien pour expliquer les symptômes, pour expliquer la maladie et surtout pour soutenir les aidants familiaux. Parce que quand le diagnostic tombe, c'est vraiment le drame dans la famille. On ne sait pas quoi faire avec son malade, on a honte, on le cache. C'est cette problématique autour de cette table de toutes les maladies, hein, Daphné, Tatiana. Et justement, on tient à être présent sur beaucoup de manifestations, ouais, justement pour faire. C'est important. Hein, c'est important de communiquer, ouais, sur la maladie. Tout à fait. Voilà. Donc d'où notre présence sur le CRC Tour avec les autres associations. La vision qu'on a un petit peu de la maladie de Parkinson, c'est un peu comme la maladie d'Alzheimer. Ça touche que les Gramounes. Ça touche, pardon. Les Gramounes. Ah oui, alors ça, c'était avant. On pense que c'est la maladie, voilà, des personnes âgées. Alors pour Parkinson, c'est totalement faux, puisque nous avons de plus en plus de jeunes diagnostiqués, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans. Donc c'est plus dramatique parce que ce sont des personnes qui sont en activité. Et là, tout s'écroule parce qu'on vous diagnostique un Parkinson à 25 ans, 30 ans, 30-35, vous ne pouvez plus être autonome et vous devez continuer à travailler. Donc nous sommes dans un système compliqué puisque ce n'est pas adapté pour le public en activité. Donc quelqu'un qui est diagnostiqué Parkinson et qui a 30 ans, ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose que de s'arrêter de travailler pour le moment. Daphné, tu me confirmes. Je vois que Daphné confirme. C'est le cas également pour la maladie d'Alzheimer. Oui, alors de plus en plus. Cette image de maladie de personnes, oui, âgées. Oui, de personnes, ouais, âgées. Sauf qu'en effet, on a maintenant ce qu'on appelle un Alzheimer précoce. C'est un peu un raccourci maladroit, mais qui va toucher des personnes 40-50 ans, encore en activité, avec toute la représentation en plus qu'on peut avoir sur la maladie d'Alzheimer. Et donc cet effet de honte, de tabou, cette vie de famille aussi, puisque ça veut dire que, pareil, je prends l'exemple d'un père de famille qui a 40 ans, va développer une maladie d'Alzheimer, il va perdre complètement sa place dans la famille, ne plus être en capacité de prendre des décisions, ne plus être en capacité d'être en autonomie. L'exclusion, c'est ça? Et oui, et l'exclusion, l'isolement, le rejet, ouais, et tout ça va entraîner aussi du coup des situations très maltraitantes, malmenantes pour les personnes et leur entourage. Guillaume Kishnama, oui, de l'association À Notre Regard. De l'association À Notre Regard, les professionnels de la socio-esthétique, nous avons eu l'occasion justement d'accompagner les personnes maladies de Parkinson avec l'association. C'était à Saint-André, maman, Colosse. Et c'est vrai, le bénéfice, en fait, la socio-esthéticienne va accompagner la personne. Il y avait même une dame qui était venue, elle disait qu'elle n'osait même plus se maquiller pour de peur, justement, avec ses gestes et tout. Donc, un accompagnement adapté, elle n'osait plus, son rouge à lèvres, son fard à paupières et tout. Donc voilà, moi je profite aussi de l'antenne pour lancer un appel aussi au chef de service, au chef d'établissement, donc pour les personnes atteintes de maladie Parkinson. La socio-esthétique ne se concentre pas que en cancérologie, malgré qu'on en pense, c'est vrai. Et la socio-esthétique, c'est considéré comme un soin de support. En fait, la socio-esthétique ne guérit pas les maladies, mais ça contribue justement à adhérer d'accord, à adhérer justement à sa prise en charge avec l'équipe pluridisciplinaire, avec les médecins. Le bien-être. Et c'est le bien-être, ça, le bien-être et accompagner, travailler sur les schémas corporels. Donc, bien sûr, elle a aussi sa place. Donc, c'est un appel que je lance hein, donc, aux établissements, aux médecins, donc, comme soins de support. La société a fait sa place en cancérologie à l'île de la Réunion, mais dans les autres disciplines, ça a encore beaucoup de mal. Donc voilà, c'est l'appel que je lance, parce que avec les actions qu'on a menées, il y a des demandes, il y a des bénéficiaires, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'oreilles pour écouter. Jean-Marc Maillot, du comité régional de sport adapté, le handicap, la maladie fait peur, hein, ça c'est... Exactement. Vous qui militez depuis des années. Ah ouais. Oui, toutes les formes de handicap en plus. Hein, donc c'est ça qui est dommage. Alors que s'il y a une information, une sensibilisation concernant les personnes porteurs de handicap ou en situation de handicap, on peut faire évoluer les choses. On peut changer le regard des autres. Donc et vivre ensemble. Donc ça, c'est il y a aucun souci. Parce que je vois pas pourquoi un trisomique n'aurait pas la possibilité d'être à côté de nous et de vivre avec nous. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Bon, c'est vrai que je suis un militant et j'essaye donc de nous battre pour que les choses évoluent positivement, mais ce n'est pas évident tous les jours. Donc, il y a des handicaps qui font très très peur. Donc, l'utilisation d'un fauteuil. Vous avez vu tout à l'heure donc le vélo pousse. Eh ben, faire entrer une personne valide dans le fauteuil pour battre un petit carré, ce n'est pas évident. Parce que, ben, il y a encore, donc, des images, donc, qui restent dans la tête. Donc, que le handicap, c'est dangereux, c'est malsain, c'est mauvais, donc, et tout. Mais, les modalités quand même. Mais le handicap évolue. N'est pas que le fauteuil roulant. Hein. Bien sûr, il y a le handicap physique, il y a le handicap visuel, auditif. Qui aurait pensé que Tatiana Teicher fait des crises d'épilepsie? Ah oui, mais moi la chose faisait des crises d'épilepsie. Mais elle faisait des crises. Moi j'ai un copain qui était éducateur spécialisé et il faisait des crises d'épilepsie. Et pourtant, il était éducateur spécialisé. Il prenait en charge d'autres personnes. Mais le tout, c'est que bon, il avait comme notre amie, elle s'est fait soigner. Donc, il s'est fait soigner et il a pu évoluer progressivement dans son métier. Et en plus, on faisait du sport ensemble. Donc, on faisait des randonnées dans Mafate et compagnie. Il n'y avait aucun souci là-dedans. Emmanuel Mussa. Oui, c'est ce que Jean-Marc dit, c'est très important. Il faut savoir vivre avec sa maladie. Et c'est pour ça qu'au niveau, nous, du comité, on met en place des actions pour les jeunes parkinsoniens, comme on les nomme, puisque un parkinsonien qui est diagnostiqué à 50 ans, c'est un jeune parkinsonien. Il a encore 12, 15 ans à travailler avant d'aller à la retraite. Il faut l'accompagner. Et c'est pas facile d'être parkinsonien, d'avoir une activité professionnelle, puisque le traitement que le parkinsonien prend, il doit être pris à des heures régulières. Et ça complique... son arrivée au travail à 8 heures, ça il peut pas le faire. Conduire, il peut ne pas le faire parce que s'il a un blocage, ça peut arriver, un parkinsonien peut être bloqué. Donc voilà, il y a plein de problématiques. Et c'est vrai qu'avec Jean-Marc, depuis plusieurs années, on se bat dans le milieu du handicap. Et je me rends compte que bon, on est en 2016 et on a encore pas mal de choses à faire. Tatiana Teicher, de Réunion Épileptique, vous avez souffert de la maladie, de vos crises d'épilepsie, notamment vous disiez tout à l'heure lorsque vous étiez. Par exemple, vous poussiez la porte d'un employeur, il fallait en parler, il fallait signaler que vous étiez malade, c'est ça? Oui, ouais. Moi. Mais je... Est-ce que les portes se refermaient directement? Oui, parce que c'était une maladie qui n'était pas connue et c'était comment dire ça? On ne pouvait ne pas avoir de travail en fait comme ça. Mais moi, il y a beaucoup de gens hein, qui sont épileptiques et qui ne parlent pas de ça, qui ne disent pas, qui acceptent pas. Qui ne préviennent pas non plus l'employeur. Oui. Mais quand ça arrive après dans le travail, là, on est vu différemment d'ailleurs. On est mal vu et on se fait traiter de tous les noms hein, dans les travails. Hein. Mon Dieu, on se fait traiter de fou. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut dire qu'on est touché par une maladie? Pardon. Moi, j'ai osé. Vous avez osé? Ah oui, j'ai osé dire parce que je n'avais pas honte de cette maladie. Et pour moi, c'était tout à fait normal d'informer les gens comment j'étais, puisque comme toute maladie, on peut mal tomber, mal se faire mal, on peut avoir des choses dans les mains et c'est pas possible. Par exemple, les épileptiques, éviter de faire d'avoir un travail dans la menuiserie, dans le bâtiment, éviter de faire la piscine, tout seul du moins, aller à la plage aussi. Donc, ou sinon, si vous allez à la plage ou à la piscine, il faut rester où vous avez pied. Surtout pas où il y a des je ne sais combien de mètres la piscine. Non, parce que si on fait une crise dans l'eau, voilà, il n'y a personne. Le temps qu'on arrive pour nous sauver, c'est fini. Daphné Schott, neuropsychologue également. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport au fait d'être mal vu. Tout à l'heure, Tatiana disait, voilà, on est mal vu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate... C'est le regard de la société aussi. C'est ça. En fait, on n'est pas handicapé, c'est l'environnement qui rend... la situation handicapante. C'est important, tout comme être blanc à La Réunion, parfois, c'est handicapant. Être noir en France, ça peut être handicapant. Être épileptique, ça peut être handicapant. Tout dépend du regard que la société va porter et de l'adaptation de l'environnement. Aujourd'hui, on voit dans le quotidien voilà, les vraies galères d'un handicapé sur l'accessibilité. On voit bien que c'est l'accès, les marches qui rendent en fait le handicap compliqué. Mais il n'y a pas de handicap en soi. Il y a vraiment cette question de l'adaptation de la société et de l'environnement autour. Alors oui, Daphné, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une chose importante, il faut recentrer l'humain dans toutes nos actions. Et ça, on a des stratégies de nos comités, de nos associations au niveau national. Mais il y a une chose qu'on oublie et qu'il faut vraiment qu'on s'y attache au niveau local, c'est de recentrer l'humain au centre de pour nos actions. Et c'est important, je pense. Réunion Première est en direct depuis la place du marché à Saint-André. Sont avec nous ce matin Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Daphné Schott de France AVC Réunion et de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnam de l'association Un Autre Regard et Tatiana Técher de Réunion Épileptique. Et vous avez la parole sur la première, notamment par SMS aussi au 06 92 70 2000. Et puis dites-nous si vous faites partie d'une association de prévention, d'une association de malades, si vous souhaitez en savoir plus sur les associations de prévention, vous composez le 02 62 99 2000. CRC Tours, 40 ans avec le groupe CRC. Première 4h, 5h, Sega Maloya avec Sonia. Montez le volume, réveillez-vous dans la joie et la bonne humeur, comme chaque matin. Le meilleur de la musique de notre île pour vous donner l'énergie, oui, l'énergie dont vous avez besoin. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sega Maloya avec Sonia, toute la semaine, de 4h à 5h sur Réunion Première. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20, votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Première. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourrait me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi a la voix de Music Soul Child. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, non, il aime les formes du Gillo. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend paix. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Me parle tout bas, quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs. Il a du cœur et quand il danse, mon mec c'est Usher. Un peu marche dans sa tête à la Dave Chappelle. Il m'appelle tout le temps car il m'aime. Mon mec regarde Scarface, les affranchis et Casino, mais aussi Friends, Lost et les Sopranos. Mon mec est clean, mais au-delà du style, mon mec c'est une encyclopédie car il se cultive. Bah ouais, mon mec est top entre l'intello et le beau gosse. Et peu m'importe, il se balade en Porsche. Un mec mortel. cherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, paye, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec a la carrière d'Eminem, il a des airs de Minet quand il m'emmène en week-end. Mon mec fait mal au crâne, il a le calme de Zidane et le regard de Method Man. Mon mec c'est itch, il insiste, mon mec c'est prendre des risques et ne regarde pas les bitches. Non, mon mec connaît les femmes et c'est bien qu'on est chiant, qu'on gueule tout le temps pour savoir quand il rentre. Mon mec est bon, ouais, mon mec est complet. Mon mec c'est un peu de mon ex mélangé à mon père dans la vie. Mon mec est digne à la Mohamed Ali et ses potes me font rire à la Eric Ramsey. Cherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, paye, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, paye, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète, je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les experts ce matin de Réunion Première depuis la place du marché à Saint-André. Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Schott de France AVC Réunion et de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnem de l'association Un Autre Regard et Tatiana Téchard de Réunion Épileptique. Daphné Schott, aujourd'hui on connaît un peu mieux l'AVC, on sait ce que c'est. Pardon, je t'ai pas entendu. Oui, non, je disais, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit. Non, je disais, est-ce qu'aujourd'hui, on connaît un peu mieux l'AVC? Alors oui, on connaît un peu mieux l'AVC. On a une prise en charge qui est de plus en plus opérationnelle. La seule difficulté, en fait, je pense que c'est dans les signes, en fait, de repérage de l'AVC, puisqu'ils sont pas toujours spectaculaires, ils sont pas toujours très visibles, et on n'ose pas toujours appeler le 15. Donc peut-être pour rappeler les signes qui sont qui peuvent être une faiblesse d'un côté du bras, une faiblesse côté d'un gauche, côté peu importe, droit. Peu importe. Qu'importe. En général, c'est localisé d'un côté, c'est d'accord. Soit un côté droit, soit le côté gauche, où on va avoir voilà, ça va aller du picotement, du simple picotement, jusqu'à une paralysie d'un membre inférieur ou supérieur, du bras ou de la jambe. Parfois, quelque chose qui peut être aussi intéressant à faire, c'est faire sourire la personne. Et quand on voit qu'il y a un côté de visage qui moque un peu, là, on commence à s'alerter. Ça peut être aussi des troubles de la parole où la personne a du mal en fait et baragouine quelque chose ou alors ne comprend pas ce qui est dit. Et l'un de ces signes-là est un signe d'AVC et il faut tout de suite appeler le 15 pour une prise en charge la plus rapide possible. Il faut réagir très, très, très vite. Hein. Oui, il faut réagir très vite dans l'urgence puisqu'aujourd'hui on a des techniques donc, qui peuvent intervenir le plus rapidement possible. Ah oui. Mais plus on attend et plus on a de risques d'avoir des séquelles plus ou moins irréversibles. Ça peut toucher un jeune aussi? Oui, bien sûr. Ça peut toucher des jeunes. On a de plus en plus de jeunes touchés. Il faut savoir qu'à La Réunion, bah, on est encore une fois champion du monde, champion au niveau national de l'AVC. Donc il y a un taux d'AVC à La Réunion qui est plus important qu'au niveau national. Et en moyenne, des jeunes qui sont de plus en plus touchés. Donc à 30 ans, on peut faire un AVC, bien entendu. À la naissance aussi, on peut faire un AVC. Les facteurs ? Les facteurs de risque, le tabac, le surpoids, tabac, oui. L'obésité... la consommation d'alcool et puis de manière générale une mauvaise hygiène de vie. Donc mangerbouger.fr est une bonne référence. Alors oui, pour vous notamment, Guillaume Kishnama de l'association Un Autre Regard, vous êtes vraiment sur la place depuis pas mal d'années et vous avez senti, vous ressentez parfois le public qui vient à votre rencontre, que le regard a changé sur la maladie. Alors je rappelle en fait que vous êtes plutôt dans le bien-être, hein, c'est ça? Le bien-être, l'accompagnement, et on travaille beaucoup sur l'estime de soi aussi, sur la valorisation de soi par le toucher. Donc ce sont des personnes, bien sûr, soit en situation de précarité, parce qu'il faut se dire aussi, hein, aller se, fait de prendre un moment pour soi, le bien-être, ça a un coût aussi. Donc la socio esthétique, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de rapport de force ni d'argent, c'est vraiment la gratuité. Et il y a aussi, je suis pas comme les autres, je n'ose pas, je suis handicapé, je suis atteint d'AVC, Parkinson, Alzheimer, je n'ose pas. Et ce sont des professionnels, est-ce qu'ils vont, ils vont me comprendre tout simplement. Justement, la socio esthétique, c'est une formation adaptée aux esthéticiennes pour comprendre aussi les pathologies et le comportement et emmener son savoir-faire aussi auprès de ses publics. Et la socio-esthétique, en fait, le soin, c'est de l'écoute, bien sûr, de l'écoute, le partage. C'est de la relation qu'il y a, relation de confiance entre personnes, on va dire, fortes et personnes faibles. Hein, c'est la rencontre de deux personnes et c'est aussi par le toucher. Et on sait très bien quand le toucher, ça favorise la communication. Et ça redonne aussi de l'identité, ça redonne de la valeur à une personne. Quand on va toucher quelqu'un, ça veut dire ben, on te reconnaît, je te touche et je te prends en considération malgré ta différence. Et c'est ça. Je regarde votre stand qui est juste à côté d'une autre là, c'est impressionnant. C'est les gens qui viennent là, qui parlent, ça communique, ça discute aussi. Ouais. Exactement, voilà, les professionnels, bon, tout d'abord je tiens à les remercier, hein, mais ce sont des esthéticiennes qui ont fermé leur institut aujourd'hui et qui sont venus faire don de soi. Et ça, je tiens à les remercier. Moi-même aussi, j'ai pris 2 jours aussi à mon travail pour venir ici. Et ça, à la rencontre de ces personnes. Et c'est vrai, pendant le soin, ça favorise la communication. Et on conseille, et c'est vraiment la détente. Quand on est détendu, on livre ses émotions et on a une écoute aussi, on a une personne qui est là pour écouter. Alors, je me suis levé, je suis venu voir une personne que vous connaissez très bien, Guillaume Kishinama, puisqu'elle fait partie de l'association Un Autre Regard. Votre prénom, s'il vous plaît. Mylène. Mylène, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein, madame ? Là, je fais une épilation au fil. Donc, c'est une technique indienne et que je pratique, moi, en institut. Et qu'on n'utilise pas de cire parce que bon, si la personne est malade, bon, ça va chauffer au niveau de la peau. Et donc là, il n'y a pas de brûlure. Et puis c'est une technique où les sourcils sont propres. Madame a l'air d'apprécier un petit peu le travail qui est effectué. Alors là, je continue de rencontrer un petit peu les gens qui sont là de l'association Un Autre Regard. Votre prénom, s'il vous plaît. Sabrina. Et vous êtes en train de faire exactement ? Un soin du visage. Voilà, on est en train d'hydrater la peau, de prendre soin de la peau et surtout de faire en sorte que la personne, elle, soit bien. Retrouver l'estime de soi, c'est ça la socio-esthétique. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre prénom, s'il vous plaît ? Ghislaine. Ghislaine, alors comment vous vous sentez là ? Ben, calme et douce. Vous êtes bien là, non ? Oui. Non ? Oui. Je suis bien reposée. Ça me repose. C'est la réaction. J'ai l'impression que les gens sont vraiment reposés là. Hein. C'est ce qu'on doit transmettre de toute façon. Nos mains sont là pour ça. Quand on a choisi ce métier en général, c'est pour pouvoir donner. Le métier d'esthéticienne avant tout, c'est ça. Mais la socio-esthétique, c'est donner de soi à l'autre personne. Et en général, ça se ressent. Vous les écoutez aussi un peu, les personnes qui viennent là. Et ces personnes vous parlent aussi, vous posent des questions parfois. Énormément. Elles nous racontent leur vécu, leur maladie, leur vie de tous les jours, mais elles nous demandent des conseils par rapport à la peau, par rapport aux cheveux. On a aussi des socio-coiffeurs, mais qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on les conseille du mieux qu'on peut. Guillaume Kishinama, c'est ça qui est très intéressant aussi avec l'association Un Autre Regard, donc c'est l'écoute, c'est vous écouter ces personnes qui viennent vous rencontrer. Bah oui, vous leur parlez aussi. L'écoute, c'est justement, on ne fait pas qu'entendre, on écoute. Parce qu'on peut entendre un bruit des oiseaux, mais sans prendre en considération la parole de l'autre. Et écouter, c'est vraiment se mettre à la même hauteur de la personne et de prendre en considération sa demande. Travailler sur l'écoute et le toucher. Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté. C'est ça, c'est l'écoute, c'est être attentif un petit peu, être parfois aussi au service de la personne. Eux. Ouais. Le ressenti qu'on peut avoir avec un gamin lorsqu'il s'éclate, lorsqu'il est bien. Et là, forcément, le regard va changer. Ah oui, énormément. Pour moi, en tant que professionnel au niveau des activités physiques sportives, j'ai jamais eu de gros soucis avec les jeunes handicapés. Mais avec les parents, oui. Avec les adultes, oui. Avec les éducateurs, oui. Mais avec le jeune, non. Au contraire, ils sont vraiment. Donc, ils ont l'impression donc déjà de te faire plaisir alors qu'on est là pour lui. Et lui, ben, il est tellement heureux de participer avec nous qu'on est attentionné à ce qu'il fait, comment il progresse, comment il réagit, et tous ces éléments-là vont faire qu'il va se sentir bien dans sa peau. Et ce bien-être, c'est quand même quelque chose d'important, de génial, pour que lui progresse. Parce que là, il n'est plus dans la différence. Et il est là avec nous. Il est considéré comme les autres et avec les autres. Et ça, c'est important. Et plus qu'on pourra faire participer sur nos manifestations avec les autres, avec les jeunes de l'UCEP, avec les jeunes donc des clubs d'athlétisme ou de football ou autre. C'est ce qu'on préconise hein, dans nos activités et ce qu'on essaye de faire le maximum sur les manifestations. Et ça, c'est plus qu'important. Il faut sensibiliser, c'est ça. Sensibiliser, toujours. Informer, jamais s'arrêter. Donner ouais. Donc de soi-même. Donc là-dessus, croire en ce que l'on fait. Parce que si on ne croit que le gamin ne pourra pas progresser, eh ben, il n'avancera pas parce que nous-mêmes, on ne croit pas. Mais se mettre à son niveau et l'aider à progresser, à faire son petit cheminement, mais ce cheminement-là, on doit le respecter et à son rythme. Et ça, c'est plus qu'important. Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Daphné Schott de France AVC Réunion et France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishinama de l'association À Notre Regard et Tatiana Téchard de Réunion Épileptique. Nous allons nous retrouver juste après l'info puisqu'il est 11h sur Réunion Première. L'info, c'est avec Antoine Gardier. Bonjour Antoine. Et bonjour Claude et bonjour à tous. La nouvelle secrétaire départementale du Parti Les Républicains s'appelle Béatrice Sigismo. Elle est adjointe au maire à Saint-Pierre en charge des sports et c'est aussi la sixième vice-présidente du conseil départemental où elle s'occupe de la culture et des sports. Cette proche de Michel Fontaine, le président du parti, succède à Davila Verdun, démissionnaire en 2014. Le poste de secrétaire départemental était vacant depuis. Aux assises, le verdict devrait tomber dans les prochaines heures pour Marie-Judy Olivier. Elle répond depuis hier du meurtre de son compagnon, Rudy Blard. Le jeune homme de 22 ans avait été mortellement poignardé par l'accusé un jour d'avril 2013 dans le logement du couple à Saint-Benoît. Condamnée l'an dernier à 14 ans de réclusion criminelle, Marie-Judy Olivier a fait appel pour obtenir une peine moins sévère, mais l'avocat général a requis tout à l'heure la même peine, 14 ans de réclusion. Compte rendu d'audience en direct de la cour d'assises avec Nadine Bachelot dans le journal de midi. Portée disparue la nuit dernière au volcan, une randonneuse a réapparu ce matin au poste médical des sapeurs-pompiers. Fatiguée, mais saine et sauve, elle raconte avoir en fait passé la nuit à regarder l'éruption, alors que dans le même temps, un important dispositif de recherche avait été mis en place. Équipe cynophile, peloton de haute montagne. Au total, une vingtaine de gendarmes a ratissé la zone allant du Piton Partage au Pas de Bellecombe toute la nuit. On reparlera de cette disparition à l'issue heureuse dans le journal de midi. Autre déploiement de moyens cette nuit au Maïdo où 25 pompiers ont été mobilisés sur un feu de végétation au niveau de la route d'Ilet-Alcide. Les flammes ont parcouru 3 hectares avant d'être maîtrisées aux alentours de 2h du matin. La gendarmerie est saisie d'une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Dans notre édition de la mi-journée, nous parlerons également des difficultés des agriculteurs de l'Ouest pour irriguer leurs champs. Leurs factures d'eau peuvent atteindre 2 500 € par trimestre, ce qui amène la FDSEA à sonner une nouvelle fois l'alarme. Nous entendrons le témoignage de Jean-Julius Métanir, exploitant agricole et membre du syndicat FDSEA. Et à 12h15, juste après les informations, Philippe Dornier vous propose un face-à-face à ne pas manquer entre Jean-Bernard Caroupaille, le président de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers à La Réunion, et Lilian Reillac du collectif Touche pas notre roche, avec au menu cette question: faut-il creuser une carrière sur le site de Bois Blanc? Nous attendons vos questions et vos réactions au 0262 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. Prenez part également au débat via les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag CDL à première et sur la page Facebook de l'émission. Avant de retrouver Claude Montanet et ses experts à Saint-André, un résumé de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Les chances de survie de Shimon Peres sont plutôt bonnes, dit ce matin un médecin, même si son état reste grave. L'ancien président israélien, 93 ans, est hospitalisé tout près de Tel Aviv après un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres, prix Nobel de la paix après les accords d'Oslo en 93, reste le dernier père fondateur d'Israël encore en vie. Un rassemblement à Martigues, près de Marseille, plus un appel à la grève nationale et à porter un brassard noir dans tous les services. Le principal syndicat d'infirmiers veut alerter insister sur une profession à bout de souffle. Manque d'effectifs, horaires à rallonge, on risque nos vies et celles des usagers, explique sur France Info la présidente de la Coordination Nationale Infirmière. Une fin d'été sous les orages dans le sud. 7 départements au total, de l'Aveyron au Vaucluse, attendent de très fortes pluies aujourd'hui. Les intempéries qui quittent donc l'ouest, où les pompiers sont intervenus des centaines de fois. À Brest, certains quartiers ont même été inondés. Cette enquête de l'IFOP que vous révèlent ce matin France Info et Le Monde, une grande majorité des sondés, 65%, sont favorables au maintien du mariage pour tous, la loi Taubira. Plus d'un sympathisant, les Républicains sur deux, l'est également. En football, un but de Cavani après seulement 42 secondes de jeu, eh bien cela n'a pas suffi. Le PSG concède le nul un partout face à Arsenal. Ce soir, Lyon et Monaco font leur entrée en lice dans cette Ligue des Champions. France Info. Les prévisionnistes de Météo France ont prévu du beau temps aujourd'hui pour des coins comme le cirque de Mafate, les plages de l'ouest et du sud. Mais d'ici quelques heures, on verra apparaître des nuages à mi-pente. Dans le courant de cet après-midi, il fera gris dans l'intérieur avec des averses qui seraient donc attendues sur les régions de la plaine des Belmistes, dans le cirque de Salazie, sur les hauts du nord-ouest. Et puis le littoral conservera de belles éclaircies. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Faites-vous partie d'une association de malades? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus sur les associations de prévention? Êtes-vous un aidant familial? Parce que ça, c'est important aussi d'en parler. Vous qui donnez un sacré coup de main à la maison, notamment pour soit le parent qui est malade, ou le papa, ou maman, ou même les grands-parents. Si vous êtes suffisamment informé sur les différentes maladies, notamment l'AVC, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson, sur la crise d'épilepsie, sur le handicap, on est là pour en parler avec nos spécialistes, donc Emmanuel Mussin, de Réunion France et Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Schiott de France AVC Réunion et de France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnama de l'association Un Autre Regard et Tassena Teschard de Réunion Épileptique. On va se retrouver dans 3 minutes sur la première. experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Et nous retrouvons en direct depuis la place du marché ici à Saint-André nos invités, nos experts évidemment, jusqu'à midi moins le quart sur la première. Emmanuel Mussard de Réunion France Parkinson, Jean-Marc Maillot du comité régional de sport adapté, Daphné Schott de France AVC Réunion et France Alzheimer Réunion, Guillaume Kishnamad de l'association Un Autre Regard et Tatiana Técher de Réunion Épileptique, une asso qui existe depuis 3 ans maintenant, Tatiana Técher, c'est ça? Oui, c'est ça. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? On a besoin beaucoup d'aide au niveau, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau d'autres associations et au niveau donc des personnes pour qu'elles deviennent bénévoles dans l'association, adhérentes. Donc j'ai besoin de tout ça et de financement également. Moyens humains, voilà. Moyens financiers. Oui, ouais. Parce qu'il faut que je développe cette association-là pour se faire connaître, pour qu'on ait un autre aperçu de cette maladie-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, s'il y a seulement au bout de 3 ans, je me fais connaître, c'est simplement parce que l'association pour les autismes m'ont trouvé. Et quand ils m'ont proposé de faire la journée, donc j'ai tout de suite accepté pour me faire connaître. Aujourd'hui, la CRC m'a proposé la même chose. J'ai sauté sur l'occasion. Bien sûr. Et donc, septembre. Donc, en novembre, le 20 novembre exactement, il y aura une autre journée de sensibilisation aux réunions épileptiques qui sera organisée, mais sur la commune de Salazie, puisque la commune de Salazie est prête à m'aider, à me soutenir. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire sur Salazie en premier. Et puis après, bon, on ira sur les autres coins de l'île au fur et à mesure. Donc, en tout cas. Promis, on rappellera, on donnera votre numéro de téléphone tout à l'heure. Alors après, vous serez amené peut-être à aller rencontrer des collégiens, des lycéens, communiquer sur la crise d'épilepsie. Oui, voilà. c'est aussi un... Comment dire ça? J'ai déjà pensé à tout ça. Et je voudrais bien, mais il me manque des personnes bénévoles adhérentes pour pouvoir venir avec moi dans les différents collèges, établissements, pour pouvoir faire parler de cette maladie-là. Daphné Schott, vous avez un conseil à donner à Tatiana Técher pour développer son association Réunion Épileptique? Honnêtement, de la patience, c'est un grand... De la patience. De la patience et puis un grand pouvoir de persuasion, puisque en effet, c'est une espèce de... C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est qu'il y a besoin d'adhérents pour avoir des financements. Il y a besoin d'action et donc de financement pour attirer des adhérents. Et donc du coup, c'est une juste cuisine qui demande vraiment du temps. France AVC est aussi toute jeune, hein, elle a 3 ans, contrairement à France Alzheimer qui a 20 ans. Et pourtant, France Alzheimer rame de la même manière que France AVC au quotidien. Au-delà de la jeunesse, comme disait tout à l'heure, c'est un combat vraiment de tous les jours et qui se finit jamais. Donc sensibiliser et puis en effet, rencontrer du monde, avoir des ressources humaines, tout ça et fait partie de la bonne recette, mais qui demande du temps, vraiment. Jean-Marc Maillot, même si vous voulez rôder, on a l'impression que si l'argent est difficile à trouver, mais le bénévole n'est pas facile non plus à trouver. Oui, on est de plus en plus. De plus en plus, et on est en train de perdre beaucoup de valeur par rapport au bénévolat, donc des jeunes donc, qui ne veulent plus s'investir, ou bien qui viennent consommer. Ils viendront sur une manifestation, donc ils viendront après, donner un coup de main. Et encore, il ne faut pas les bousculer, parce que nous, on demande de la rigueur de notre part pour une bonne prise en charge au niveau du sport, parce que l'accompagnement, il est quand même donc très très fort. Donc tous ces éléments-là font que le bénévolat donc est très difficile. Et bon, on a essayé de voir toute la panoplie, hein, donc les grands-pères, les grands-mères, les retraités, tout. Hein, donc on a essayé d'attirer les gens donc sur leur engagement. Et bon, si ça marche, mais l'engagement, il est petit maintenant. On ne peut pas, moi, de par mon expérience, l'engagement sur du long terme est très difficile à l'heure actuelle. Et ça, c'est dommage parce que, Daphné disait, c'est qu'il faut de la persévérance et de la patience. Et ben ça, c'est que si on n'a pas donc des gens qui sont persévérants, qui sont même parfois teigneux, donc pour pouvoir donc se battre et aller dire certaines vérités, parce que les moyens, si on dit pas ces vérités, ça n'avance pas. Hein, bien sûr, l'accessibilité des bus, l'accessibilité au sport, à la culture. Si on se bat pas tous les jours pour leur dire, mais non, ces personnes-là, ce sont des des citoyens à part entière. Ils en ont besoin autant que vous, que nous. Donc automatiquement, mais il faut continuer et on continue le combat, même si ça déplaît parfois. Hein. Donc c'est vrai que mon langage n'est pas toujours très diplomatique, mais bon, parfois donc on dit ce qu'il y a à dire. Donc c'est ça, les vérités ne sont peut-être pas toujours bonnes à dire, mais il faut quand même se c'est faire ça aussi entendre. Un peu le militant. Mais voilà, c'est le militant. Que vous êtes, oui. Il faut se faire entendre et il faut que, eh ben, pour donc l'épilepsie, donc c'est un combat permanent. On va en parler. On va les inviter sur nos manifestations à venir donc participer avec nous et avec les moyens, et petits moyens. Hein, donc c'est sûr et certain. C'est vrai que de l'expérience que j'ai pu avoir sur des manifestations extérieures, donc internationales et compagnie, avec le sport, avec ces personnes, donc ces athlètes, m'ont permis de découvrir, avoir d'autres visions, d'autres façons de faire, de façon de voir les choses, donc de prendre beaucoup sur moi-même, parce qu'à un certain moment, j'étais à peine révolté, je dirais. Maintenant, je suis beaucoup plus calme. C'est vrai que je vieillis bien, mais néanmoins, donc tous ces éléments-là et le fait donc en matière de sport, en matière de bénévolat, mais je peux vous dire que depuis 2 ans en tant qu'aidant familial, hein, donc je voudrais quand même avoir une petite approche là-dessus, en tant qu'aidant familial avec une mère donc qui a eu un AVC. Votre soeur ma aussi, soeur qui est polyhandicapée. Handicap, oui. Donc ouais. ça demande donc une autre façon de faire, donc de se calmer, d'être à leur portée, à leur écoute, à leurs besoins, et ça demande donc des éléments pour qu'on puisse nous-mêmes prendre chez nous-mêmes. On reviendra un instant sur les aidants familiaux. Daphné Schott, oui, vous souhaitez réagir. Sur le bénévolat, c'est vrai qu'aujourd'hui, être bénévole, c'est une place quand même assez ingrate, puisque c'est passer une journée là dans le vent, debout, à essayer de sensibiliser les personnes. C'est, j'ai envie de dire, prioriser tous ces week-ends, ces samedis et ces dimanches, justement, pour se dévouer aux causes qu'on va habiter. Aujourd'hui, les jeunes sont peut-être bien plus derrière Facebook, derrière les réseaux sociaux, que là sur le terrain, sur un parking, à venir sensibiliser avec nous. Et puis donc il y a vraiment une question aussi de valorisation du bénévolat aujourd'hui, à questionner et à essayer de porter, parce que c'est essentiel et en même temps ça paye pas de mine, quoi. Guillaume Kishnaba. Alors pour un autre regard, le bénévolat, c'est vrai, nous chez nous on a de la chance, ce sont des professionnels du bien-être qui sont bénévoles, c'est-à-dire on travaille tous, chacun de son côté, dans le domaine du bien-être, et en plus et quelques dimanches et quelques jours en fait, on vient un peu de temps, on donne un don de soi, de son savoir-faire. Et puis pour pas rebondir mais revenir un petit peu dans les associations, si j'ai pas de conseils vraiment personnels à donner, mais je veux dire, ça c'est important, parce que je veux dire moi je suis le président de l'association. Un président ou une présidente, c'est pas un directeur ou une directrice, c'est un animateur avant tout. Et ça, les bénévoles qui sont avec moi-même en tant que président, je suis bénévole. Je veux dire, si vous animez, vous mettez la main à la pâte, vous avez des personnes, des dizaines de personnes qui vont vous suivre. Mais si vous restez derrière un fauteuil à donner des directives, ça marchera pas. Et ça, c'est, je crois que c'est un conseil que je peux vous donner, parce qu'on me l'a dit, je le fais, je me sens bien. Je veux dire, Guillaume, tu vas le faire, t'as de l'énergie, on t'admire, on va venir avec toi. En fait, voilà. Vous avez de l'énergie, vous avez de la force, venez me suivre, faites comme moi. Et non pas, faites comme si. Et ça, c'est important. Réunion première est en direct depuis la place du marché à Saint-André. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jackie Revel. À l'émission des Sinous de Terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les demandes à gauche à l'âge. Chicken like, quand les confits, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le thème. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que les vrais et pas vrais. La colle Jacques avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Samedi et dimanche, de midi à 14h. Tous en première le week-end. Avec Beverly. Votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité dans l'océan Indien. L'Afrique, Madagascar et une partie de l'océan Indien s'est préparée. Et des actus insolites avec des places de ciné à gagner. Tous en première avec Beverly. Samedi et dimanche, de midi à 14h sur Réunion Première. Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Pardonne-moi si je te délaisse, si je m'éloigne encore. Pardonne-moi si mes mots te blessent, si j'ai souvent eu tort. Mais je ne sais plus comment t'aimer, je ne sais plus te regarder. Tu m'as trop de choses. n'arrive plus à te cerner, je n'arrive plus à te parler. Et tout ça doit changer. Avec le groupe CRC. Est-ce que vous faites partie d'une association de prévention, même d'assaut de malades? Et si vous êtes un aidant familial, on peut en parler sur Réunion Première jusqu'à midi moins le quart. Et puis alors Chloé qui est en studio depuis Saint-Denis. Bonjour Chloé. Bonjour Claude, bonjour à tous. Bonjour, une question SMS au 06 92 70 2000. Une question effectivement de Marie qui a laissé ce message au 06 92 70 2000. Bonjour, je suis soignante et intéressée par la socio-esthétique. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire ses études en métropole pour donc soigner par les mains, par l'esthétique, socio-esthétique? Alors oui, bah ça tombe très bien parce que l'association À Notre Regard est présente ici. C'est Guillaume Kishnama, donc le président, pour répondre à Marie. Oui, très bonne question. Effectivement, donc l'association À Notre Regard représente au niveau national donc la formation socio-esthétique. En fait, au jour d'aujourd'hui, la formation théorique se fait à Paris et à Tours. Et un autre regard, donc on a un projet avec le CHU de La Réunion et l'Université de La Réunion, dans un moyen terme, à implanter cette formation socio-esthétique dans l'océan Indien. Car il y a à l'île de La Réunion, ouais, oui, ouais. C'est un projet à moyen terme, car il y a de la demande des professionnels et bien sûr du public. Et après, bien sûr, il faut aussi qu'on soit accompagné par le pouvoir public. Donc, voilà, d'ici 3 ans, moi, je me donne un objectif avec mon équipe, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire, j'étais tout seul. Il faut savoir que la socio-esthétique, elle est arrivée à La Réunion en 2007. Et depuis, moi, j'ai contribué donc à accompagner mes compatriotes à la socio-esthétique. Nous sommes une dizaine. Donc là, nous, je crois que maintenant, on est au complet et on est en train de travailler. Mais ça se développe de plus en plus. Hein. Ça se développe de plus en plus. Il y a de la demande de plus en plus, même sur Madagascar, sur Seychelles, sur l'île Maurice. Je me suis déplacé. J'imagine que vous n'arrivez pas non plus à répondre à toutes ces demandes. Bien sûr. Ouais. Et après, il y a aussi, donc aujourd'hui, il y a 12... Il y en a 2 en formation, 10 professionnels de la socio-esthétique. Et après, il y a aussi le marché de l'emploi. C'est-à-dire, il y a de la demande. Il y a des besoins, ça c'est une réalité, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de financeurs. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il y a les moyens. Je suis désolé, la santé n'a pas de prix. Donc, il y a des demandes, il y a des moyens, mais il n'y a pas beaucoup de financeurs. Voilà. Emmanuel Mussard de France Parkinson Réunion. Alors, vous communiquez comment? Vous utilisez les moyens modernes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comment vous faites pour communiquer, pour sensibiliser la population? Alors, effectivement, au tout début du lancement du comité, nous avons utilisé une page Facebook. Le souci avec ça, c'est que nous avons des malades donc, qui échangeaient entre eux. Et malheureusement, on était obligé d'arrêter puisque la problématique avec le Parkinson, c'est la rupture de soins. C'est-à-dire que le traitement est très important. Et nous avons des malades qui disaient, ben, moi, j'ai arrêté mon traitement parce que ça marche pas. Et ça donnait des idées aux autres malades. Donc, c'était pas du tout dans la bonne communication. Donc, j'ai dû stopper ce mode de communication puisque chaque malade de Parkinson doit prendre un traitement à heure régulier pour pouvoir éviter de détériorer sa santé et de garder un maximum de mobilité. C'était pas le but, ça marche pas. Si ça marche pas, on revoit son neurologue pour réajuster le traitement. C'est que le traitement n'est pas adapté aux malades, ok. Donc c'est pour ça que Facebook, au niveau du comité, on a stoppé. Et vous faites des réunions d'information, vous, oh. Oui. Vous alors on a des réunions d'information et on est sur toutes les manifestations de Lille avec nos bénévoles. D'ailleurs, je tiens à saluer notre équipe de bénévoles, Marguerite, Albert et Roselyne, voilà. Donc qui feront le tour avec nous jusqu'à dimanche. Alors, les bureaux de l'association, c'est un peu chez vous, c'est votre maison, c'est ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Non, c'est souvent Daphne ça, oui. C'est souvent à nos domiciles propres. Avec votre ordinateur, votre téléphone personnel. Oui. On disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de financement. Enfin, il y a des moyens, mais il n'y a pas beaucoup de financeurs. Donc, on mais se bat quand même. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Les gens ne se rendent pas l'implication. Compte. L'implication. Oui. L'effort qui est fourni, oui. Ah oui, on risque des divorces, on risque nos enfants qui vont un jour nous le reprocher parce qu'on s'est investi. Voilà, il y en a qui sont à 3 divorces, il y en a 2. on risque gros parce que on s'investit beaucoup, donc après on se refait pas. Mais quand on est tout seul à porter ou qu'on est 3 à porter une association, en effet, il faut du temps et quand on donne du temps, ça se répercute sur nos santé aussi en même temps, puisque je pense qu'ici on n'a pas tous une santé qui est non plus au top parce que on donne plus aux autres qu'à nous. Donc venez nous aider s'il vous plaît, on fait pitié. Emmanuel Mussard. Je confirme. Voilà, effectivement, autant les dents familiales, donc on va en parler dans un instant, on s'épuise, autant les bénévoles s'épuisent aussi. Donc il faut vraiment qu'on s'attelle à trouver des bénévoles pour prendre le relais parce que ça commence à peser un peu. Vous mesurez un petit peu la tâche là qui vous attend. Oui, Tessena Técher, parce que ça fait que 3 ans que vous êtes en place, donc avec l'association Réunion Épileptique. Oui. Il y a du chemin à faire. Ah oui, énormément. Vous avez cette force, cette capacité d'aller jusqu'au bout. Alors j'espère. J'espère en tout cas, et c'est ce que je veux, donc je me battrai jusqu'à tant que je peux, bien sûr, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que toute seule, ça ne va pas trop être facile, donc c'est pour ça, comme disait Daphné, s'il vous plaît, venez, je vous en prie, entrez dans l'association, allons faire bouger cette association-là, allons nous faire connaître, et allons nous battre contre les on-dit et les malvoyances sur cette maladie-là. Sur l'épilepsie. Voilà. Daphné Schott, on a plus de poids si on dépend, si on est avec une fédération nationale, une asso nationale. Est-ce que ça pourrait être un plus ou pas? Alors oui, on a une légitimité quand même qui est un peu plus appuyée. En termes de bénévoles, on reste quand même à 10 000 km du national. Donc on n'est pas comme si on était un département sur le territoire national. Donc on ne peut pas bénéficier d'une mutualisation de bénévoles, d'une mutualisation même parfois financière. Mais en effet, ça a un plus, ça donne une certaine légitimité vis-à-vis de certains financeurs. Une expérience aussi, puisque derrière, c'est des machines qui roulent. Donc une certaine expérience. Mais en même temps, on doit aussi rendre des comptes, donc on n'est pas non plus libre de tout. Et parfois aussi cet écart entre ce qui peut se passer au national et ce qui serait à réadapter à la Réunion par rapport à la culture. Réalité, c'est ça, oui. Voilà. Parfois, ça peut pêcher, mais c'est de toute façon, oui, c'est un plus. Emmanuel Mussard. Oui, effectivement, au niveau de France Parkinson, on est rattaché à France Parkinson. On est nommé par le ministère de la Santé. On a des comptes à rendre à France Parkinson. C'est comme une entreprise, en fait. Malheureusement, le comité, ce sont des bénévoles, mais nous devons gérer le comité comme une entreprise. On a des objectifs. On doit rendre des comptes. Donc, c'est pas facile, quand on est bénévole, d'être de rendre tous ses comptes, puisque un bénévole, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un salarié. Donc c'est une problématique, effectivement, et on ne peut pas, malheureusement, se permettre de prendre des contrats aidés ici au niveau local, puisque nous devons rendre des comptes à Paris. Il est 11h30 sur Réunion Première. Dans un quart d'heure, nous allons vous donner tous les numéros de téléphone. C'est important, à la fois de Réunion Épileptique, France Parkinson, le comité régional de sport adapté, France AVC Réunion, France Alzheimer Réunion, également donc l'association Un Autre Regard. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Avec le groupe CRC. Réunion Première donne la parole ce matin aux associations de prévention. On est là aussi pour parler de différentes maladies, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. On revient sur les crises d'épilepsie, l'AVC. On est là aussi pour parler de bien-être, de la socio-esthétique et puis du handicap. Alors, en plus de votre implication, Jean-Marc Maillot, dans le comité régional de sport adapté, vous êtes aussi un aidant familial. Oui, aidant familial avec une chapeau, mère. Chapeau. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites pour faire tout ça. Comment on dit ça, un président dynamique. Il faut avoir la santé. Donc elle me donne la santé. Ma sœur, elle me donne la santé. C'est ça, hein. C'est ça qui vous donne la santé. Elle me booste. Hein, donc j'ai pas le droit de baisser. Donc automatiquement, il faut que je sois réactif et je continue à être réactif. Je fais un peu de sport, je l'emmène faire battre son petit carré avec le vélo. Et tous ces éléments-là, donc ça fait que t'es d'attaque et tu dois être d'attaque. On ne sait pas ce que c'est que l'aidant familial, Jean-Marc Maillot. Il y a aussi de la méconnaissance. Un aidant familial, c'est quoi ? Grand matin, bonheur. À quelle heure ? 5h30. 5h du matin. Et vous allez vous coucher à quelle heure ? Après, avec l'aidant familial, 9h moins le quart. Parce que là, maman a fini de dormir. Ses yeux aussi n'ont pas dormi. Un médicament a fini de faire l'effet. Donc, mais très après, tôt le matin jusqu'à... on en a responsabilité associative. Président de l'association, donc il faut, ça va travailler. Il faut, ça prépare le bon dossier, comme Manaï dit là. Il faut répondre, il faut donner le dossier à temps, à l'heure. Et surtout, n'oublie pas une virgule, parce que sinon, le dossier n'est pas pris en compte. Donc c'est ça aussi donc le souci. Parfois donc l'aidant familial, c'est vrai que c'est prenant. Moi mon plus gros souci en tant qu'aidant familial, c'est depuis 2 ans, c'est que j'ai freiné au moins pour 50% sur mes activités que je faisais de don de moi-même aux autres. Et ça on me l'a reproché. Vous n'avez pas le choix. Moi, j'avais pas le choix. Il y avait certaines personnes handicapées qui comprenaient pas. Tout d'un coup, Jean-Marc, où ça voulait? Où les piches manifestations? Nous, à Piaou, vient puis l'entraînement. Tous ces éléments-là, a fait que, il faut lever parfois le pied pour quelque chose. Mais c'est pas pour dire que, je suis parti sur du loisir personnel, hein. Non. C'est un engagement personnel avec la famille. Et, je prends mon pied, entre guillemets. Avec le CAC, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je passe donc des bons moments. Il y a la semaine des aidants donc bientôt, donc du 2 au 6 octobre. Donc on aura l'occasion de se revoir, d'en reparler avec les autres aidants familiaux. Jean-Marc Maillot, l'aidant familial aide le parent ou les parents, mais qui aide l'aidant familial ? Il y a un soutien, moi, qui me plaît bien, donc, avec toujours le CAC, hein, donc, on en parle. C'est que, par rapport, donc, on a le cœur. Le rond de cœur. Ça, c'est important, parce que là, il y a un échange entre différents aidants familiales et qui permet, donc, d'échanger, d'avancer, de progresser, d'apporter son expérience. Comme là, on parle, c'est un moment d'échange, de partage avec les gens, et ça, c'est important. Nous partons au standard de Réunion Première avec, j'ai pas compris le prénom qui est avec nous au 02 62 99 2000. C'est Lucie au téléphone. Oui, bonjour Lucie. Oui, bonjour Claude, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, alors je vais faire vite parce que l'émission va finir bientôt. Alors voilà, j'ai ma maman qui est handicapée, hein, en fauteuil roulant, elle est âgée, et aussi elle a quand même assez un poids assez important. Donc ce qui fait que moi je peux pas, je suis bloquée à la maison, on ne peut jamais sortir, par exemple faire un tour à la plage, se promener en ville, des trucs comme ça, moi je peux pas faire parce que là où j'habite... j'ai une pente, donc je ne peux pas descendre avec un fauteuil roulant toute seule avec elle. Donc si j'ai personne pour m'aider, ou bien il faut toujours demander à quelqu'un, est-ce que tu peux venir m'aider? Donc c'est toujours embêtant parce qu'on n'a pas toujours la personne sous la main. Et je voulais savoir, est-ce que l'association, ou est-ce que vous connaissez quelque chose, un organisme qui met à disposition, mais je veux dire en week-end, hein, pas en semaine, parce qu'en semaine, je sais que des services communaux peuvent mettre à disposition un véhicule pour la personne handicapée. Mais en week-end, si on veut sortir, est-ce qu'il y a moyen de le faire est-ce qu'il existe un organisme payant ou gratuit pour qu'on puisse disposer de ce service, s'il vous plaît? Alors la question, elle est importante, elle est posée par Lucie. Restez avec nous, s'il vous plaît. Jean-Marc Maillot du Comité Régional de Sport Adapté vous répond. À ma D'accord. connaissance, madame, concernant donc une association donc qui viendrait donc aider donc les personnes, je n'en vois pas beaucoup. Je sais qu'il y a des aides donc particulières, hein, donc des soutiens donc de personne à personne. Donc mais là, il faut être dans ce réseau-là. Je n'ai pas les coordonnées. Donc néanmoins, dès que j'aurai les informations, donc j'en ferai part donc à Claude Montané, donc sur Réunion Première. Donc il fera passer le message. Par rapport à votre âge, quel âge vous avez, madame? Moi, j'ai 52, et ma maman 52 ans. 88. 88 ans pour sa maman. Oui. Donc là, il y a des aides avec le Conseil général, donc avec le pass loisir ou le pass transport, qui peut vous aider aussi. Donc il faut faire des démarches vers le Conseil général ou aller vers donc le CCAS donc de votre commune, qui va faire le relais pour pouvoir vous aider donc là-dessus. Alors Lucie, vous n'avez pas Lucie, vous n'avez pas les images là, mais je peux vous garantir que là, toutes les personnes qui sont là, présentes dans ce petit studio ménagé sur la place du marché de Saint-André, sont en train de noter des contacts pour vous. Alors, ce que nous allons faire, Lucie, c'est ça, et je crois que c'est merveilleux ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a pas mal d'informations à vous donner. Donc, on a vos coordonnées, on vous rappellera. Ah, c'est gentil. Pour vous aider pour aller jusqu'au bout. On peut pas parce que vous êtes bloqué à la maison. C'est sa commune. C'est la commune, votre commune, c'est la commune de Saint-Leu. Mais il faut avoir toujours du monde avec nous. Mais moi, je peux sortir avec maman toute seule avec son fauteuil, mais je peux pas. Non, attendez, Lucie, oui. Alors, juste une information, c'est le GIPSAP, qui est un des services en fait du Conseil général et qui peut du coup venir à domicile faire une évaluation de vos besoins, etc. Tant au niveau de l'habitat, au niveau des aménagements de l'habitat, au niveau de vos besoins de loisirs, au niveau de vous, madame, en tant qu'aidante, vos besoins à vous pour que vous preniez aussi soin de vous. Et ils font une évaluation globale. Donc c'est le GIPSAP que vous pouvez contacter, qui est un des services du Conseil général. Alors je vous avoue, on est en train d'essayer de chercher le numéro. Ne vous inquiétez pas, on rappellera Lucie. Et ben voilà, très bien. Donc vous aurez les informations, mais le GIPSAP peut être un endroit où vous pouvez qui centralise un petit peu toutes ces informations. Lucie, vous avez besoin d'informations. Il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. C'est gentil. Merci Claude. Merci pour votre émission. Et merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Allez, merci. Et là, on sent vraiment, Jean-Marc Maillot, ce besoin de communiquer. La population a besoin d'en savoir un peu plus. Besoin d'être informé, donc d'avoir des éléments d'information. Les gens n'arrivent pas à trouver ces infos. Oui, mais là, elle parle donc d'une personne handicapée. Non. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le rôle de la MDPH, donc de la communication concernant les personnes handicapées. C'est sa mission première. Donc ça, c'est une chose. Donc là, le militant et le représentant des personnes handicapées au sein de cette instance est un élément majeur dans le dispositif. Après, il y a les centres communaux d'action sociale là-dessus. Bon, dans cette commune, donc j'allais l'orienter vers quelqu'un, mais il y a quelques petits soucis qui aident. Je préfère pas y être. Oui, moi, je dirais justement, pour Rouen-Poulie, on parlait de cette personne handicapée qui habite à Saint-Leu, hein, c'est ça? Rouen-Poulie, les seulement aussi retrouver un peu l'estime de soi, l'accompagner aussi par des soins socio-esthétiques. Ça se fait à Saint-Pierre, donc ça peut se faire à Saint-Leu, justement avec le CCAS. Donc j'ai une collègue socio-esthéticienne où le CCAS prend en charge aussi pour aller justement chez des personnes handicapées à mobilité réduite pour leur proposer des soins esthétiques et de coiffure. Ça se fait à Saint-Pierre, ça peut se faire à Saint-Leu, ça peut se faire partout. Donc c'est un appel en quoi je lance. Voilà. Tatiana Techer de l'association Réunion Épileptique. Alors depuis 3 ans, vous sentez vraiment que les gens viennent vous voir facilement comme ça, chercher des informations? Alors de plus en plus, des parents de malades. Ils se font rares. Hein. Les gens ont commencé à venir vers moi plus à la journée du 2 juillet, là aujourd'hui, mais très peu viennent avec moi par rapport à, par exemple, au site internet. Et là, le site vient d'être créé, donc je pense que je serai plus facile à être retrouvée, mais c'est rare, voilà. Vous arrivez à gérer la vie familiale et la vie associative? De toute façon, il faut, on est obligé. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, mais je tiens à préciser que j'ai le soutien quand même de mon mari pour ça, parce qu'il a vu dans ce que j'ai passé, il a vécu la situation, donc il est tout à fait pour que l'association évolue, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est, comme disaient les autres intervenants, c'est une raison, comment dire ça, il faut que ça soit personnel, il faut qu'on ait une motivation personnelle et il faut qu'on veut aller au bout de quelque chose. Voilà, sans ça, après c'est vrai qu'on est démotivé. Après, heureusement que cette année, j'ai reçu l'aide donc de l'association pour les autistes et de la CRC. Grâce à la CRC, aujourd'hui, je pense pouvoir mettre un pied dans autre chose et m'envoler vers autre chose. pour faire connaître l'association. Donc, grâce à ces deux, à l'association vous plus la CAC. Vous n'êtes plus seule, en fait. Ah non, pas du tout. Vous avez du soutien. Voilà, heureusement, parce que j'en avais pas, ça fait 3 ans. Et grâce à ce genre de manifestation-là, donc je me présente à chaque fois. Comme ça, je sais que, voilà, je me fais connaître, les gens savent où me trouver. On va terminer, parce qu'il est midi moins le quart, avec les numéros de téléphone. C'est important. Alors, prenez de quoi noter, un stylo, une feuille de papier. On va vous donner pas mal de numéros de téléphone pour en savoir un peu plus, notamment sur Réunion Épileptique. Alors, pour vous joindre, Tatiana Teicher. Alors, pour me joindre, vous pouvez appeler donc sur le 06 92 68 13 96. Donc, ça, c'est le GSM. Ou donc le fixe 02 62 29 79 32. Emmanuel Mussa, France Parkinson. 06 92 62 92 43. Daphné Schott, alors pour vous, c'est un peu plus compliqué. On va prendre plus de temps parce que vous avez deux associations. Donc, on va commencer avec AVC, France AVC Réunion. Alors, France AVC, donc, c'est Justine qui se fera un plaisir de vous répondre au 06 92 144 680. On a aussi une adresse mail et un site internet. Vous tapez AVC Réunion, vous tombez sur notre site internet. Et France Alzheimer Réunion. Et pour France Alzheimer Réunion, donc c'est Odile qui vous répondra au 06 92 94 30 20. Guillaume Kishnama pour l'association Un Autre Regard. Alors, l'association Un Autre Regard est abritée gracieusement, heureusement, par le CHU de Saint-Denis, que je remercie d'ailleurs. Merci à eux. En fait, c'est mon bureau professionnel qui sert d'association administrative. Le numéro de téléphone, c'est le 02 62 90 62 49. Un GSM, c'est 06 93 93 22 06. Notre page Facebook, Un Autre Regard socio-esthétique. Jean-Marc Maillot du Comité Régional de Sport Adapté. 06 92 86 02 78. Et vous en connaissez un rayon sur les droits des personnes en situation de handicap? Oui, mais on peut vous joindre pour en savoir un peu plus. Sur l'accessibilité, universelle concernant les personnes handicapées. Donc, on essaye donc de faire valoir donc tous les droits des personnes handicapées. Daphné Schott, petite rectification. Oui, pardon, l'Alzheimer doit être un peu contagieux, donc j'ai fait une erreur. Donc, 0262 pour France Alzheimer Réunion, 0262 94 30 20. Je vous rassure, l'Alzheimer n'est pas du tout contagieux, mais le surmenage, oui. Merci beaucoup. Merci, Daphné Schott. Merci à Jean-Marc Maillot, merci à Guillaume Kishnama et à Tatiana Teicher, et également à Emmanuel Mussard. Merci à vous, à très bientôt. Nous étions en direct ce matin, donc depuis 10h, depuis la place du marché de Saint-André pour le CRC Tour. Et puis on aura l'occasion de revenir sur l'opération avec Jean-Claude Machir demain et vendredi. Réunion Première, c'est la radio pays. L'information locale dès 5h. 10 hectares de broussailles. Et tout au long de la journée, des invités à votre écoute. Réunion Première, avec vous, sur la route, à la maison et au travail. Le Lancastel, ça y est. Grand matin, dès 5h, la Coljac à 8h et vos experts. J'aimerais savoir comment ça se passe. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Réunion Première, c'est la radio pays. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faudrait les 13 millions d'euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. CRC Tour, 40 ans avec le groupe CRC. Midi moins 10 sur Réunion Première, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Nous vous faisons part du décès de M. Baptiste Augustin dit Tétain. M. Baptiste Augustin dit Tétain, décédé à l'âge de 66 ans, la veillée se tient actuellement à son domicile, 18 allée des Cotonniers au Camélia. La date des obsèques sera communiquée ultérieurement. Décès de Madame Vitry, née Waro, reine Marie-Annick. Madame Vitry, née Waro, reine Marie-Annick. Décédée à l'âge de 66 ans, la veillée se tient à son domicile 17 rue Marius et Harry Leblon à Saint-Joseph. Le convoi partira de son domicile à 14h30. La bénédiction à 15h en église du Butor, l'inhumation au cimetière du Butor. Décès de Madame Waro, née Morel, Marie-Thérèse. Madame Waro, née Morel, Marie-Thérèse. Décédée à l'âge de 94 ans, la veillée se tient au centre funéraire du Sud. Décès de Madame Veuve Ajaguin, Soleillin André, née Mada, Thérésia Alice. Madame Veuve Ajaguin, Soleillin André, née Mada, Thérésia Alice. Décédée à l'âge de 82 ans, le convoi partira à 16h15 cet après-midi de son domicile de 924, chemin Tour des Roches à Savannah, Saint-Paul. La bénédiction à 16h30 dans l'église de Savannah, l'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Madame Zit, née Chan Ave. Madame Zit est née Chan Ave. Adèle Carmen, domiciliée 91 rue Antoine Roussin, la baie Saint-Paul, décédée à l'âge de 98 ans. Le convoi partira de la salle mortuaire de Stella Piton, Saint-Leu, Portail, à 13h30. La bénédiction en l'église de Saint-Leu à 14h. L'inhumation au cimetière des Trois-Bassins. Décès de Monsieur Waro Roger. Monsieur Waro Roger, décédé à l'âge de 76 ans. Le convoi partira de son domicile 8 impasse Piton Antonoir à Bézave Saint-Joseph à 16h. La bénédiction à son domicile, l'inhumation au cimetière d'Eliane. Décès de Monsieur Robert Jean Simon. Monsieur Robert Jean Simon, décédé à l'âge de 50 ans. La veillée se tient à son domicile actuellement 84 chemin Ilang-Ilang, Boisneuf-le-Sainte-Clotilde. Le convoi partira de son domicile. La bénédiction à 15h cet après-midi, l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Madame Veuve Rajoséphane et Maillot Marie-Paulette. Madame Veuve Rajoséphane et Maillot Marie-Paulette, décédée à Saint-Gilles-les-Bains à l'âge de 76 ans. La veillée se tient demain jeudi 15 septembre à partir de 11h30 au centre funéraire Prima. Le convoi partira du centre funéraire Prima vendredi 16 septembre à 14h15. La bénédiction en l'église de la Possession à 15h, l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Técher Daniel Annie Gisèle. Madame Técher Daniel Annie Gisèle, décédée à Saint-Paul à l'âge de 46 ans. Un discours biblique est prévu à 13h30 vendredi 16 septembre, suivi de la crémation au centre funéraire Prima. Décès de Monsieur Galtier Joseph Jean-Marie. Monsieur Galtier Joseph Jean-Marie, âgé de 58 ans, la veillée a lieu à son domicile 159 rue de la Passerelle à Saint-Joseph. Le convoi partira à 14h15 cet après-midi de son domicile. La bénédiction à 15h en église du Butor, l'inhumation au cimetière du Butor. Décès de Monsieur Klein Joseph, dit Monsieur Toutou. Monsieur Klein Joseph, dit Monsieur Toutou, décédé à l'âge de 90 ans. Le convoi partira du 188 chemin Badamier, Sainte-Rose à 14h30. La bénédiction cet après-midi à 15h en l'église de Sainte-Rose. L'inhumation au cimetière de Sainte-Anne. Décès de Monsieur Mismé Philippe. Monsieur Mismé Philippe, décédé le 12 septembre à l'âge de 69 ans. La bénédiction sera donnée au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie à 16h30 cet après-midi. L'inhumation au cimetière Prima. Décès de Madame Veuve Taristas née Delela. Madame Veuve Taristas née Delela. Anisie Adélis, décédée à l'âge de 91 ans. Le convoi partira de son domicile 47, lotissement Les Cormorans, Plateau Caillou, Saint-Paul à 15h. La bénédiction en l'église Notre-Dame de Lourdes de Plateau Caillou à 15h30. L'inhumation au cimetière de Villèle, Saint-Gilles-Léo. Décès de Madame Marie-Lise Laurette. Madame Marie-Lise Laurette, décédée en métropole le 26 août à l'âge de 54 ans, fille de Madame Jacqueline Laurette, domiciliée 11 rue de l'Est à Petite-Île. Une cérémonie religieuse est prévue en l'église du centre-ville de Petite-Île samedi prochain, 17 septembre à 13h30. La date des obsèques sera communiquée ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées, sa sincère condoléance. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Information pratique à présent sur Réunion Première. Dans la commune de l'étang salé, suite aux dernières pluies, il a été constaté une augmentation de la turbidité de l'eau sur canaux, les bas, canaux les hauts également sur l'entre-deux. Les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet, la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Cette eau peut être utilisée pour tout usage sanitaire. Disposition valable en cas de persistance des pluies et pendant 24 heures après, un retour à la normale. Information de Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux. Information qui concerne Sainte-Suzanne à présent. Commune de Sainte-Suzanne, une coupure d'électricité prévue par EDF. L'alimentation en eau sera interrompue demain 15 septembre à partir de 8 heures sur la rue de la Liberté Bellevue. La remise en eau est prévue aux alentours de 14 heures demain. Veolia Eau remercie ses clients pour leur compréhension et vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Demain, nous serons jeudi 15 septembre, don du sang par l'EFS, l'établissement français du sang de la Réunion, à Brapanon-Leclerc de 13h à 17h, à Leclerc de Brapanon 13h-17h et la mairie de Petite-Île de 8h30 à 12h30. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but Sarah Larsson sur Réunion Première Lush Life. Vous écoutez Réunion Première, il est midi et le journal vous est présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Une vingtaine de gendarmes mobilisés cette nuit au volcan pour retrouver une femme portée disparue. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve ce matin et raconte avoir passé la nuit à regarder l'éruption. Les précisions de Pierre Komorasamy dès le début de ce journal. Aux assises, elle avait fait appel de sa condamnation pour obtenir une peine moins lourde qu'en première instance. Accusée du meurtre de son compagnon Rudy Blard, Marie-Judy Olivier sera fixée sur son sort dans les heures qui viennent. Ce matin, l'avocat général a requis 14 ans de réclusion criminelle. C'est la même peine que celle prononcée lors du premier procès. Nous serons en direct de la cour d'assises avec Nadine Bachelot. Depuis 2014, le poste de secrétaire départemental du Parti Les Républicains, qui s'appelait encore l'UMP à l'époque, était vacant. Béatrice Sigismaud vient d'être désignée, cette proche du président des Républicains à La Réunion. Michel Fontaine est élu au conseil municipal de Saint-Pierre et au conseil départemental. Explication de Sophie Persson dans cette édition. Et puis à la fin de ce journal, un extrait du magazine de la rédaction radio que vous pourrez entendre ce soir à 18h15. Aujourd'hui, dans les coulisses, vous propose une immersion dans l'embrigadement des sectes avec le témoignage d'un ancien adepte du groupe de prière Marie Porte du Ciel, dont les responsables devraient être bientôt jugés. Bienvenue sur Réunion Première. Portée disparue la nuit dernière au volcan, une randonneuse a réapparu ce matin au poste médical des sapeurs-pompiers. Fatiguée.